Bien, normalement, c'est lancé. Donc, l'objectif de cette introduction, c'était aussi pour nous de pouvoir introduire le concept par rapport à des sujets qui nous intéressent, par rapport à nos sujets de thèse, et aussi de poser un peu des jalons théoriques, plus théoriques que ce qui va être présenté tout au long de ce séminaire. Donc, on peut dire que tous les jours, dans nos lectures, dans nos recherches, dans nos conversations professionnelles ou personnelles, on mobilise des concepts, que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est donc cet usage, cette mobilisation des concepts qui nous intéresse ici et qui nous a intéressés pour organiser ce séminaire. Pardonnez-moi pour cette introduction qui va être un peu théorique, plus que ne le seront donc les séminaires qui vont suivre tout au long de cette année. Donc, le point de départ, c'est de dire que chaque discipline, chaque chercheur en particulier, a une manière de mobiliser, d'approcher, d'appréhender le concept de sa recherche, ayant pour objectif à terme de faire parler son concept. Il se pose en fait la question, pourquoi, à un moment donné, dans un corpus spécifique, on investit un concept en choisissant une signification plutôt qu'une autre. C'est pourquoi ce qui nous intéresse, c'est les usages, et c'est aussi le sens du concept. Le point de départ est de dire que le sens d'un concept n'est pas objectif et n'est pas donné de fait. Il y a toujours une variable à prendre en considération, c'est ce qu'on entend par l'idée d'usage. Si je prends l'exemple de ma recherche, que j'ai présenté rapidement, j'étudie l'usage du terme musulman. C'est-à-dire je pars d'un constat simple, qui est qu'il existe un large spectre de signification de ce mot. C'est-à-dire que je ne dis pas la même chose lorsque je parle par exemple de culture musulmane, de religion musulmane ou d'origine musulmane. J'utilise le même mot et pourtant il n'a pas la même signification. Ça dépend de qui parle, ça dépend à qui on parle et ça dépend aussi du contexte d'énonciation. C'est pourquoi en ce qui me concerne dans cette présentation et par rapport à mon sujet de recherche, j'ai choisi d'entrer dans l'espace du concept en y accédant par une réflexion sur le mot et aussi sur le sens et sur la signification. Bien que faisant une thèse de sociologie, au fur et à mesure de ma recherche, de mes lectures, j'ai été amenée, en me posant la question de la signification, à lire, et à lire principalement, des ouvrages de sémantique. J'ai été obligée d'ailleurs d'utiliser ces ouvrages-là. C'est pour ça que j'ai intitulé ma communication, le mot et sa signification, et je vais un peu présenter les liens entre sémantique et sociologie. Je vais structurer cette présentation en trois temps. Dans un premier temps, nous verrons comment l'usage est au cœur de la sémantique. Dans un deuxième temps, nous verrons comment l'usage mène au questionnement sociologique. Et dans un troisième temps, nous verrons comment l'usage introduit la notion de polysémie et permet de réfléchir sur le sens. Mais avant tout ça, j'aimerais faire un petit avant-propos pour attiser notre curiosité quant au langage. Donc lorsqu'on s'intéresse aux concepts, aux mots, on s'intéresse forcément à la question du langage, puisque les mots que nous émettons par le langage servent à faire parler notre pensée. Il faut savoir que le langage est à la fois une faculté innée, c'est-à-dire que c'est naturel et que tout humain tend à s'exprimer, à communiquer par des sons. Mais ce qui est intéressant avec l'objet du langage et ce qui intéresse aussi le sociologue, et c'est aussi pourquoi ça a été un objet de recherche tout de suite mobilisé par l'anthropologie, c'est cette dichotomie qui existe entre l'idée que le langage est inné et qu'à la fois il est culturel. Il est inné dans le sens où on a cette capacité humaine à s'exprimer par des sons, et il est culturel dans la forme qu'il prend, puisque on n'apprend pas à parler d'un bloc et qu'un enfant ne naît pas en sachant parler. On acquiert un langage tout au long d'une vie. C'est pour ça, et je vais beaucoup m'appuyer sur Michel Bréal dans cette présentation, qui est considéré comme le fondateur de la sémantique. Michel Bréal dit aussi que le langage est une opération de l'esprit. Il utilise cet exemple qui m'a parlé, où il dit prenez un texte, prenez une feuille, surlignez les mots-clés et vous verrez que tout ce qui entoure les mots-clés, c'est une opération de l'esprit pour faire parler sa pensée. Et il y a aussi cette idée qui intéresse aussi le sociologue avec le langage. Et là, je vais plutôt chez Saussure, dans les cours de linguistique générale, qui est fondateur de la linguistique générale, qui explique que la pensée est une masse amorphe et que les mots et que la langue va permettre de classifier notre pensée en arrivant à mettre un mot sur une pensée. C'est-à-dire que le mot n'est pas seulement un moyen phonique, il aide aussi à la structuration de notre esprit. Et c'est pour ça que la question du langage m'intéresse particulièrement, surtout dans le cadre de ma thèse, parce que c'est aussi une manière d'interroger une forme de catégorisation intrinsèque. Et cette catégorisation, elle se manifeste socialement, elle se manifeste collectivement, bien qu'elle soit une production individuelle. On est toujours dans ce passage entre interne et externe, et entre individu et société, concept qu'on étudiera aussi dans ce séminaire. Donc lorsqu'on se questionne sur les usages et sur le sens, on se questionne aussi sur une production, sur une forme de catégorisation, et on se questionne sur l'usage qui est au cœur de la sémantique. Donc tenter de comprendre comment un mot, à un moment donné, a été connecté à une chose ou à une idée, c'est un débat qui existe depuis l'Antiquité. Même si on allait dans d'autres, peut-être d'autres ères civilisationnelles, on irait encore avant l'Antiquité. Mais, et principalement en philosophie. Mais ce n'est qu'au XIXe et au XXe siècle, en Europe, aux États-Unis et en Russie, que la linguistique va émerger en tant que champ académique qui va avoir comme objet le langage. Avant, on pouvait faire des recherches sur le langage, mais ça s'inscrivait dans une recherche qui était large. Là, la linguistique, elle va vraiment avoir comme objet l'étude du langage. La linguistique, donc, émerge avant la sémantique. Cependant, elle n'est pas traitée d'une manière générale d'emblée. Elle signifie « science du langage » et elle va être divisée en plusieurs disciplines. Je ne vais pas les citer ici. On a la phonétique, par exemple, qui est l'étude des unités vocales. On a la morphologie, qui appréhende la forme des mots. Et on a donc la sémantique, qui est une sous-discipline qui fait partie de la linguistique et qui a pour particularité d'étudier le sens des mots dans le langage. La sémantique, dès son émergence, pose trois questions essentielles, qui sont: comment des formes identiques, c'est-à-dire des mots par exemple, peuvent avoir des sens différents? À son inverse, comment des formes linguistiques différentes peuvent avoir des sens identiques? Et comment un mot peut signifier plusieurs idées à la fois? Donc on voit bien que la signification est au cœur de l'approche sémantique. C'est donc à Michel Bréal que l'on doit le terme de sémantique en 1897. Pour lui, il s'agit d'une nouvelle approche en linguistique. C'est une nouvelle approche parce qu'elle se différencie de l'étymologie qui est courante à cette époque. Et l'étymologie, ce serait plutôt l'idée d'essayer de revenir à la source d'un mot, c'est-à-dire à son sens originel. Or, la sémantique, en passant par l'usage, elle va se consacrer non pas à cette idée de retrouver un sens originel, mais au parcours que va avoir un mot, que va avoir une signification à travers le temps et à travers l'histoire. Pour Michel Bréal, un mot peut totalement se détacher de sa signification d'origine. Et justement, lorsqu'il s'en détache, il devient comme libre, et alors il est au service de la pensée. Et il va même servir d'étiquette, il utilise ce mot d'étiquette, à différents événements de l'histoire, par exemple. C'est pour ça, dès le départ, dès la sémantique de Michel Bréal, la sémantique va faire appel à l'histoire. Car l'histoire va permettre de donner des indications pour comprendre les évolutions de sens. Et indéniablement, elle va faire aussi appel à la sociologie du début du XXe, qui, se spécialisant dans l'étude des sociétés, ne pouvait qu'y trouver sa place. Nous verrons donc dans un deuxième temps la porosité disciplinaire qui existe entre sociologie et sémantique, dès le début du XXe. Donc s'il est difficile de revenir à cette première utilisation d'un mot, Saussure, il utilise le mot de contrat passé, ce qui est intéressant, contrat passé entre un mot, une idée et une signification. La sémantique va s'intéresser au parcours du mot qui devient alors le reflet de l'histoire sociale, de l'histoire politique comme des mœurs. C'est pourquoi le langage, pour Bréal, ne peut être considéré qu'en prenant en considération la société qu'en s'inscrivant dans une société. C'est pourquoi le langage d'emblée est considéré comme un phénomène social. Donc je me suis intéressée à Michel Bréal, mais dans cette communication, il y a aussi un personnage clé qui est Antoine Meillet. Antoine Meillet est l'élève de Saussure et l'élève de Bréal. Et il nous intéresse ici parce que Antoine Meillet va connecter directement la sociologie, la sémantique ou la linguistique en étant un des premiers linguistes à écrire dans l'année sociologique avec un article qui s'intitule « Comment les mots changent de sens ?» où il écrit par exemple « Le langage a pour condition l'existence des sociétés humaines dont il est l'instrument indispensable. Le langage est donc éminemment un fait social. » Donc on voit bien comment le langage s'inscrit dans la sociologie principalement naissante de Durkheim. Pour Meillet, il faudrait établir une méthodologie de l'analyse des usages de mots en analysant le mot en lien avec le groupe social. Par exemple, lorsqu'un groupe se disloque, le mot se disloque aussi. Plus un groupe est vaste, plus les mots qu'il va employer auront une signification vaste. Plus un groupe est petit, plus les significations vont être restreintes. Donc on voit bien qu'il y a une porosité qui existe entre une réflexion sociologique et une réflexion sémantique, principalement par Meillet. Donc cette porosité entre la linguistique et la sémantique, elle se vérifie aussi beaucoup dans l'analyse que vont faire les premiers linguistes de la construction nationale. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'écrits qui vont être faits, où il va y avoir un lien entre les effets du langage et la construction nationale. Par exemple, Bréal va écrire un livre qui s'appellera « Le langage et les nationalités » en 1891, Antoine Meillet « Les langues et les nationalités » en 1945. Quant à Saussure, dans les cours de linguistique générale, il évoque déjà la notion d'ethnisme, c'est-à-dire que l'unité de langue influe sur l'unité ethnique, à son sens. Cette question de la langue est encore très importante dans l'étude du processus d'ethnicisation aujourd'hui, principalement avec Barthes par exemple. Donc il y a ce lien qui est fait entre effet de langage et effet de construction et construction nationale. D'ailleurs, ce lien qui est fait à cette période-là, au début du XXe, tend souvent à mettre en avant une équation qui dirait un peuple égale une nation égale une langue. Kouloghi Jamel, qui a étudié le concept de nation chez Renan, parle lui d'idéologie linguistique. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait considérer aujourd'hui de jugement naturaliste, pensant que plus un langage était décrété comme évolué, plus le peuple qui parlait cette langue était civilisé, donc de haute culture. Ces dérives, que l'on jugerait donc de naturaliste, confortent une pensée élitiste au mieux, à carrément racialiser, ou alors confortent l'empire des colonies, par exemple. Donc, cette porosité disciplinaire fait dire d'ailleurs à Bourdieu dans Ce que parler veut dire que souvent les linguistes font de la sociologie sans le savoir. La sociologie du début du XXe a tout de suite pris en considération cette notion d'usage et cette notion de mots. Je vous cite par exemple Durkheim dans Le Suicide qui, dès le départ, explique que le sociologue doit créer une distance, doit prendre en considération l'usage des mots pour pouvoir créer une distance et avoir un rapport à son objet de recherche plus rationalisé, plus scientifique. Ou alors Weber dans le capitalisme et l'éthique protestante qui reprend toute la notion de Beruf, qui en fait une généalogie. Bon, c'est une petite note, mais donc l'idée que Beruf, qui était en fait tiré d'une traduction biblique de Luther, s'inscrit dans le champ protestant en signifiant vocation et comment le terme, en avançant dans l'histoire, va prendre un usage plus contemporain de profession. Donc le passage de vocation à profession. Donc cette porosité est toujours d'actualité entre les champs académiques et les réflexions, les pensées. Et elle me permet d'arriver et de poser la question du sens, de la manière dont est appréhendé le sens. L'usage est donc au cœur de la sémantique et il n'y a pas de variation d'usage sans variation de sens. Un mot peut avoir plusieurs sens, c'est la polysémie. Un mot peut prendre des sens complètement opposés. Si je reviens par exemple à mon terrain de recherche ou à ma thèse, où j'étudie les usages du mot musulman, je vois bien qu'il y a une signification qui est complètement différente entre un individu qui va se dire musulman athée ou une personne qui va être convertie à l'islam. D'un côté, il s'agit d'une appartenance religieuse, de l'autre, une appartenance qui se transmet quasi génétiquement, une origine. Or, les deux mobilisent le même mot. Bréa, lui, dans l'essai sur la sémantique, il prend l'exemple du temps et de l'espace. Au départ, le temps était une mesure de chaleur, et aujourd'hui on voit bien comment la notion s'est élargie. Ou l'espace, qui au départ était une carrière où courent les chars. Donc, cette étude de la polysémie, elle permet aussi d'étudier par rapport aux usages, comment on peut faire réexister des mots anciens qui vont prendre des sens nouveaux. On le verra par exemple, c'est le néologisme, et on le verra par exemple avec le concept de diaspora. Et je vais prendre un petit exemple qui est l'exemple de culture. Je m'appuie sur le livre de Benetton dans « Histoire des mots, culture et civilisation », qui est une étude assez pionnière sur le rapport entre l'histoire et la sémantique. Et là, on voit bien que culture prend ici trois étapes. Culture va d'abord avoir le sens de labourer, enfin la culture de la terre. Et ensuite, on va passer de la culture de la terre à la culture de l'esprit. Une acception qui va se multiplier avec toute l'idéologie des Lumières sur l'éducation. Et on va avoir une troisième étape où culture va être investie par les champs académiques, au départ aux États-Unis, puis ensuite va devenir un concept scientifique. En 1975, Benetton dit que dans la langue anglaise, il trouve plus de 150 acceptions du mot culture. Et en plus, il fait par rapport aussi à l'Allemagne un rapport entre la culture et la civilisation et le sens que prend culture en allemand. Donc on voit bien aussi avec Benetton le rapport entre les usages, les traductions et les significations. On verra ça avec communauté lors de ce séminaire. Donc on peut voir que une fois qu'on a fait le constat de ces usages, ce qui est intéressant pour le sociologue, c'est aussi d'en déterminer les causes. Et que l'observation de ces usages permet d'enrichir une réflexion sur les évolutions sociales et sur les phénomènes sociaux en jeu. Pour conclure cette communication, j'ai basé cette communication sur l'analyse du mot. L'usage est aussi au centre de cette communication, afin de montrer son fort potentiel sociologique. Nous avons présenté diverses notions qui seront utilisées tout au long de cette année dans plusieurs communications. Mais il faut nuancer notre propos. Si la sémantique s'est globalement intéressée au mot, il faut bien comprendre que le mot n'est pas le concept. Un concept peut appeler à plusieurs mots, un mot peut appeler à plusieurs concepts. D'un point de vue étymologique, concept signifie la prise, c'est-à-dire, selon Jocelyn, dans Qu'est-ce qu'un concept ? Une capacité à saisir le réel. C'est-à-dire que le mot vient se connecter avec l'idée, il forme une forme linguistique. Or, le concept ne se connecte pas simplement, car dans concept, il y a aussi conceptualisation. On voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une prise ou d'une simple connexion entre un mot ou une idée avec le concept. On se rappelle aussi les paroles de Gilles Deleuze, qui rappelait la différence entre le percept et le concept, car le percept est l'objet de l'artiste. Il y a une forme d'abstraction au percept, alors que dans le concept, avec la conceptualisation, était pour Gilles Deleuze l'objet du philosophe. Et comme phrase de conclusion, j'ajouterai quant à moi l'objet du sociologue aussi. Merci. Et je passe la parole à mon collègue qui va plus rentrer dans les concepts. Moi, je vais vous présenter une communication. Un travail de présentation, d'introduction de quelques notions pour ce séminaire. J'ai mis comme titre « De l'intérêt pour l'histoire des concepts en histoire et de l'intérêt d'une histoire des concepts en sociologie », mais je me rends compte qu'il faudrait barrer sociologie et mettre sciences sociales, quelque sorte pour évoquer un peu comment toute cette question du langage entre et où est prise en compte tout d'abord en histoire, et ce que je propose un peu pour la suite. Disons, l'intérêt, comme on l'a évoqué précédemment, comme tu l'as bien dit, ce n'est pas en soi une nouveauté en sciences sociales. On se souvient exactement ce que tu as dit, Durkheim ou Weber. Durkheim qui parle même de la langue comme l'exemple type du fait social dans les règles de la méthode sociologique. Mais finalement, tout cet intérêt pour la langue reste, ne reste qu'à ça, disons, qu'à la production de quelques définitions avant, en tout cas comme pas nécessaire pour la scientificité d'une étude, en tout cas qui ne va pas plus loin. Aujourd'hui, j'ai l'impression actuellement, ce même devoir de clarté dans les concepts pousse les auteurs à donner des bonnes définitions avant de commencer, voire à faire, à proposer une généalogie des concepts utilisés, mais encore une fois, qui sont réduites à un petit paragraphe ou à une note en bas de page avant de commencer, ou dans le chapitre d'introduction, voire le premier chapitre d'une étude. J'ai l'impression que l'intérêt porté au concept en tant qu'objet à part entière, c'est-à-dire un véritable objet de recherche, reste assez exceptionnel et assez récent. Je vais proposer donc comme plan pour cette introduction de présenter tout d'abord, faire une petite généalogie de l'historicisation des concepts, donc de cette prise en compte de l'historicité des concepts, et ensuite d'évoquer quelques idées pour élargir certains principes de l'historicisation des concepts au-delà de l'histoire. Donc j'ai présenté les antécédents, en tout cas les premières façons de faire l'histoire des idées, ensuite quelques changements, quelques révolutions dans l'histoire des idées, quelques prémices du travail de Reinhard Koselleck, donc le fondateur de l'histoire des concepts dans sa version allemande, et finalement donc d'autres perspectives un peu plus ouvertes. Pour faire cette généalogie, l'intérêt porté à la prise en compte du langage, ou généalogie, la prise en compte du langage comme phénomène historique ou comme source même en histoire, je vais passer par deux perspectives éloignées, tout en présentant d'abord ce qui était l'histoire des idées traditionnelles. Je crois que depuis le 19e siècle, quand en histoire, si on prend une histoire de la philosophie, une histoire des idées, du socialisme ou autre chose, de la fin du 19e siècle, on verra, c'est ça, toujours un enchaînement d'auteurs où l'évolution disait l'une après l'autre sans aucun ancrage dans un contexte social ou dans une réalité sociale, ce qui est le cas de toute façon de pas mal d'histoires des idées jusqu'aux années 50, voire aujourd'hui. De même, dans cette histoire des idées ou ces histoires des idées, on trouve en général, on abuse un peu de la téléologie, c'est-à-dire réinterpréter le passé à partir des notions contemporaines ou à la lumière du présent. Pour parler par exemple des Hobbes, je lui hier des Hobbes comme fondateur du totalitarisme, ou Rousseau, parfois la même chose, et de l'anachronisme, donc le fait de donner un sens, une interprétation contemporaine inexistante à l'époque dont on parle. Dans l'intérêt porté au langage, on trouvait aussi, comme tu l'as évoqué, Antoine Meillet, ou aussi Ferdinand Bruno, par exemple, qui était, je crois qu'il était vraiment contemporain de Durkheim, qui était dans la même classe à l'École normale supérieure, et qui a publié une histoire de la langue française en 12 volumes, un travail très profond sur les innovations linguistiques, mais comme je disais avant, qui s'intéresse plus à l'évolution de la langue qu'un usage du langage en histoire. Il reste peut-être quelques exceptions, comme Lucien Febvre, qui a essayé de faire une histoire, qui propose deux histoires des mots. Une histoire du mot frontière en 1928, et ensuite une étude un peu plus complète sur la notion de civilisation, mais finalement on ne prend pas, à cette époque-là, on ne prend pas en compte le langage comme un véritable objet d'étude en histoire ou en sciences sociales ou une source dans les études historiques. C'est par rapport à trois projets nés dans les années 60 qu'on trouve ces changements. Donc, pour présenter cette première révolution, je vais parler de l'école qu'on connaît sous le nom d'école de Cambridge, ou des idées en contexte, ou l'école contextualiste. Comme le nom le dit, il s'agit d'historiens formés à Cambridge, et dont le nom du groupe, donc contextualiste, semble assez parlant, quoique un peu trompeur. Il s'agit de John Pocock et Quentin Skinner qui vont changer complètement la façon de travailler en histoire des idées. Pocock, tout d'abord, défend en quelque sorte l'idée que l'on peut, selon laquelle on peut étudier les auteurs canoniques séparément, qu'on ne peut étudier, pardon, les auteurs canoniques séparément, comme on faisait jusqu'alors des études monographiques de tel ou tel auteur, mais qu'il faut inscrire leurs idées et donc leur langage dans les débats ou dans le langage d'une période donnée. Et donc il faut confronter le vocabulaire de tel auteur au vocabulaire partagé avec d'autres théoriciens ou auteurs de l'époque. Ainsi, dans son livre classique Les moments machiavéliens, publié en 1975, il ne s'agit pas de faire juste une histoire des idées, ce n'est pas Machiavel, sa vie et son œuvre, qu'on fait souvent, mais et ce n'est pas une exégèse de Machiavel, mais plutôt une analyse du vocabulaire politique florentin d'une époque donnée, c'est à l'époque de Machiavel. Quentin Skinner, qui est un peu plus jeune, l'autre membre clé de l'école de Cambridge, est peut-être un peu plus programmatique. Il publie en 1969 un article Meaning and Understanding in the History of Ideas dans la revue History and Theory, où il critique point par point ce qu'on peut appeler l'histoire des idées traditionnelles. Dans cet article, il réfute déjà l'idée, le principe partagé à la fois en histoire des idées par des philosophes ou des théoriciens, qu'il faut lire les classiques comme s'il s'agissait des contemporains afin de comprendre ce qu'ils ont à dire sur l'actualité, et donc de lire les classiques pour nous apporter des nouvelles réflexions sur le présent. Et il critique aussi ce qu'il appelle des mythologies, une mythologie des doctrines, donc le fait de prendre des affirmations secondaires des auteurs pour en faire véritablement sa doctrine, des commentaires accessoires comme faisant partie de la théorie ou de l'ensemble d'une théorie ou des propositions d'un auteur, et ensuite la mythologie de la cohérence des auteurs, c'est-à-dire de prendre pour chaque auteur une sorte d'idée force qui mène ou qui est la base de toute son œuvre, et donc de critiquer l'idée qu'un auteur n'échange pas son point de vue entre, en tout cas depuis le début de son œuvre et la fin de son œuvre. De la même façon, il critique la téléologie, comme on évoquait avant, par exemple, Locke est une influence déterminante pour les penseurs libéraux, et passer à dire que Locke était en soi un libéral. Donc Skinner dit qu'il faut essayer de faire attention à ce type de raisonnement, qui était assez court. Pour le contexte pris en compte par Skinner dans ses recherches, il est quand même légèrement différent de celui pris en compte par Pocock. On avait dit que Pocock s'intéressait à tout un ensemble, un vocabulaire partagé par différents auteurs en une différente période. Skinner s'intéresse aussi au contexte, mais pour lui, ce qui importe, c'est le langage comme acte d'énonciation. Donc il va s'intéresser non seulement au contexte général d'une époque, mais plutôt au contexte linguistique d'une phrase donnée. Donc il défend l'idée que d'étudier ce que dit un auteur en prenant ce vocabulaire dans un contexte limité qui serait celui de son propre texte ou de sa propre rhétorique. Donc se concentrer vraiment sur les auteurs et sur la façon d'étudier ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc il dit, il est question d'étudier ce qui est dit, mais aussi ce qui a voulu dire l'auteur, la façon de le dire, et donc la dimension performative du langage de cet auteur-là. Donc il y a en quelque sorte deux contextes pour Skinner. Il y a le contexte linguistique précis et finalement un contexte social, politique ou culturel d'une époque donnée qu'il faut utiliser, en tout cas qui complète la compréhension d'un auteur mais qui ne la détermine pas. Parce qu'on a tendance à réduire en général l'école contextualiste à la prise en compte du contexte social, alors que pour Skinner ce n'est pas principal. Ces deux historiens vont travailler surtout sur les langages du républicanisme et du libéralisme. et leur perspective de changement en histoire des idées, c'était plutôt de critiquer la théorie politique. En tout cas, l'histoire des idées, la théorie politique. À partir des années 60, se développe en France une autre façon de travailler langage ou linguistique et histoire dans une autre perspective assez différente. C'est l'école qu'on appelle aujourd'hui analyse des discours en histoire, qui est encore aujourd'hui, en tout cas, dirigée ou dont les projets sont dirigés notamment par Jacques Guillaumeau. Au début des années 70, se développe dans une, en tout cas venu plutôt du marxisme, un groupe de linguistes, je ne sais pas d'ailleurs s'il commence à l'ENS de Fontaine-Saint-Cloud, mais qui gérait, en tout cas dirigé au début par Régine Robin, vont ensuite avec Jacques Guillaumeau se concentrer dans un laboratoire à Fontaine-Saint-Cloud. Et ces linguistes et historiens vont travailler plutôt sur la période de la Révolution française, en travaillant vraiment dans une perspective plus linguistique, sur des corpus plus limités, plus cohérents, pour produire, entre autres choses, un dictionnaire des usages sociopolitiques du français entre 1770 et 1815, en plusieurs fascicules, qui va analyser vraiment les usages des différentes expressions pendant cette période révolutionnaire. Là aussi, du coup, on voit, c'est une introduction du langage en histoire, mais ça dépend du contexte où l'on voit Jacques Guillaumeau, mais qui essaye, en tout cas, qui se présente plutôt comme des linguistes. En tout cas, souvent comme des linguistes, quoiqu'il y a des historiens, où il y a certainement beaucoup d'historiens qui participent, et même Jacques Guillaumeau, dépendant, encore une fois, d'où on le trouve, il peut se présenter comme linguiste ou comme historien. Mais c'était aussi une façon de renouveler les sources en histoire. Ce qui me permet de passer au troisième projet qui a renouvelé l'histoire des idées et sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longtemps, c'est ce qu'on appelle l'histoire des concepts ou la Begriffsgeschichte allemande. Donc c'est encore à la même période, au début des années 70, en Allemagne. On commence à développer des recherches collectives en ce qu'on appellera histoire des concepts. S'il s'agit notamment d'historiens avec quand même une bonne base philosophique, mais qui ont un ancrage pour les différencier à la fois de Skinner et même des linguistes français, qui ont quand même un ancrage plus important dans l'histoire sociale. Pour Kozelek, là je cite, les événements historiques n'existent pas sans les actes de langage, et les expériences que l'on en tire ne peuvent se transmettre sans l'aide du langage. La structure de l'action antérieure au langage et la communication par le langage grâce à laquelle les événements existent sont imbriquées l'une dans l'autre sans jamais se recouvrir totalement. Ce qui veut dire, donc, pour traduire ou simplifier, peut-être, en gros, il faut s'intéresser au langage, étant donné que c'est par le langage qu'on peut énoncer l'expérience historique. Et c'est ce langage lui-même qui nous permet de réfléchir, voire de produire l'expérience historique. L'histoire des concepts allemande fonctionne donc à la fois comme une méthode typique de critique des sources, donc réfléchir à l'utilisation des concepts par les historiens, mais aussi, comme dit Kozelek, un concept n'est pas seulement l'indice des rapports qu'il saisit, il est aussi un de leurs facteurs. Chaque concept ouvre certains horizons, comme il enferme d'autres, d'expériences possibles et des théories pensantes. C'est-à-dire que s'intéresser aux concepts, c'est aussi s'intéresser aux conditions des possibilités, d'énonciation, voire de réflexion sur une expérience présente et donc sur l'avenir. Pour Kozelek, dans un concept, on trouve en quelque sorte concentré passé, présent et futur, et il introduit en histoire les notions de champ d'expérience et horizon d'attente pour analyser justement quelles sont les perspectives à la fois d'expérience comprises dans un concept et les perspectives en tout cas les couches temporelles, jusqu'où peut aller ce concept pour réfléchir sur l'avenir. En gros, le passé qu'il décrit et l'avenir qu'il permet de penser. L'œuvre, en tout cas le résultat le plus marquant de ce groupe autour de Kozelek avec Otto Brunner et Werner Conze, et la production d'un dictionnaire historique des concepts sociopolitiques fondamentaux ou de base en Allemagne. C'est une entreprise commencée en 1972, de publication d'un dictionnaire donc qui ne va pas présenter des simples entrées historiques sur quelques notions, mais qui va vraiment traiter presque à la façon de monographie pour chaque concept. Il y en a qui arrivent jusqu'à 100 pages, et qui vont présenter en plusieurs volumes et avec une publication qui s'échelonne jusqu'aux années 90, 98 je crois, qui vont essayer vraiment d'analyser le vocabulaire produit ou cristallisé à une période donnée pour réfléchir, en tout cas pour parler de la vie politique et sociale de la société allemande. Dans ce dictionnaire, on trouve, si vous voulez, je peux vous donner la liste après, mais on trouve des concepts comme histoire, révolution, domination, société civile, prolétariat, terreur, et pas mal d'autres concepts qui sont traités véritablement donc dans leur histoire des origines et en se concentrant notamment sur la période de 1750 à 1850 que Kozelek appelle une période charnière, la Sattelzeit. C'est pour lui vraiment, et dans une réflexion qui vient, en tout cas qui existait déjà dans la philosophie, voire la sociologie allemande, sur la question de la modernité. Et donc c'est à cette période-là, entre 1750 et 1850, que l'on trouve les prémices ou la cristallisation d'un vocabulaire politique moderne qui permet donc à la fois d'écrire et de réfléchir la vie politique et sociale moderne, avec des nouvelles notions d'État, classe et organisation politique en général. Pour choisir les concepts présents dans le dictionnaire, en tout cas les concepts fondamentaux, donc les Grundbegriffe, Kozelek va parler des quatre processus, trois ou quatre, ça dépend en tout cas de l'explication ou de la définition qu'on veut donner, mais en gros, pour aller assez vite, la temporalisation, c'est-à-dire l'inscription du concept dans une temporalité donnée, donc un concept qui change peut-être de sens pour donner des nouvelles perspectives ou des nouvelles attentes. La démocratisation, donc la diffusion d'un vocabulaire dans toutes les couches de la société, donc un vocabulaire ou un langage qui appartenait peut-être juste à une élite qui va être repris dans d'autres couches de la société. L'idéologisation, donc l'inscription de ce même vocabulaire fondamental dans des théories politiques abstraites ou dans un langage politique plus abstrait, et la politisation, c'est-à-dire l'appropriation de ce langage à des usages polémiques et même la création des concepts qui peuvent être discutés ou ambigus. Cette entreprise, quoique absolument utile pour n'importe quel historien allemand, voire un historien français qui parle allemand, qui s'intéresse à cette période-là, a été critiqué pour notamment deux aspects. Tout d'abord, un usage, une des problématiques qu'on va certainement traiter dans le séminaire, l'usage, en tout cas quelles sont les sources utilisées, notamment la question des classiques. C'est peut-être un des problèmes du dictionnaire qui traite les notions selon l'usage de quelques auteurs, quelques grands auteurs, et ensuite la trop longue durée, c'est-à-dire dans quelle mesure étudier un concept sur une trop longue durée a un sens. Pour, en tout cas au-delà de la production du dictionnaire, qui peut être un outil, la réflexion de l'histoire des concepts, est quand même intrinsèquement lié à l'histoire sociale. L'objectif des Kozelek n'est pas seulement de faire une histoire des idées, mais plutôt de faire une histoire des concepts en tant que cette histoire-là rend compte du temps historique. Et donc, de pouvoir analyser la réalité ou la temporalité à un moment donné et d'une réalité sociale donnée. Donc, si l'on prend en compte, sachant que pour Kozelek, le lien entre histoire des concepts et histoire sociale histoire sociale et histoire des concepts sont intrinsèquement liés. On ne peut pas, même si Kozelek dit qu'il y a peut-être une préexistence d'histoire sociale, il dit qu'on ne peut pas séparer les deux. Si l'on prend en compte les mutations de l'histoire sociale dans l'historiographie contemporaine, je crois qu'on pourrait, en quelque sorte, imaginer un lien entre histoire conceptuelle ou histoire des concepts et ce qu'on utilise aujourd'hui en histoire, qui peut être un mélange d'histoire sociale, histoire politique, histoire culturelle. Et donc, d'utiliser l'histoire des concepts, non seulement en histoire, mais aussi en sociologie, voire en sciences politiques, ou certainement aussi en sciences politiques. Pour donc évoquer quelques autres perspectives au-delà, en tout cas de l'histoire des concepts, au-delà de la Begriffsgeschichte. Un petit point sur la réception de l'histoire des concepts en France, même si dans la préface d'un des ouvrages les plus connus de Kozelek, d'un recueil d'articles dans la préface de Michael Werner, il dit que Kozelek est très connu en France. Malgré tout, je crois qu'on ne peut être d'accord. Et Kozelek reste, en tout cas la réception de Kozelek reste assez problématique en France. Peut-être dans un milieu de germanistes, il est très connu, ou dans un milieu d'historiens qui s'intéressent à l'histoire, il reste très connu. En ce qui est de la vie universitaire ou la vie intellectuelle, je peux faire circuler ça, si vous voulez. Kozelek reste mal connu. Pourquoi ? Pourquoi, je crois, un des problèmes, en tout cas il peut y avoir un premier problème, c'est une certaine méfiance envers les tournants linguistiques, donc à tout ce qui est prédominance, en tout cas inter pour le langage en histoire. Ensuite, je crois que les débats sur l'histoire de la Révolution française ont fait de Kozelek un personnage qui avait du mal à se placer quelque part. Donc d'un côté, l'histoire sociale dure, tendance jacobine, voire communiste pour aller très vite, avec Soboul et du coup en même temps avec Guillaumeau. Et de l'autre côté, une sorte d'histoire politique de Furet. On a tout de suite associé Kozelek à Furet, alors que les projets d'histoire politique de Furet est quand même assez éloigné du projet d'histoire des concepts, et que la contextualisation en histoire des idées de Furet reste assez vague. En tout cas, moi, j'ai l'impression que Furet reste dans une histoire des idées assez traditionnelle. Mais finalement, pour la réception de Kozelek en histoire sociale, il s'est retrouvé du mauvais côté, en quelque sorte. Pour aller un peu plus vite, c'est peut-être aussi la rigidité de certains positionnements théoriques et certains principes du dictionnaire qui n'ont pas permis une appropriation des Kozelek ou de l'histoire des concepts en France. Donc c'est peut-être ce cadre rigide qu'il faudrait évacuer. Et ce que je donc propose en quelque sorte de faire, c'est déjà la période charnière de Kozelek entre 1750 et 1850. C'est vrai qu'elle peut être pertinente pour analyser cette période-là, mais est-ce qu'on est forcément obligé de limiter une étude d'un concept à cette période-là? On peut supposer, en tout cas il est tout à fait légitime, voire pertinent, de se dire qu'on est aujourd'hui quand même sur d'autres temporalités, donc il y a de nouveaux langages qui apparaissent, et que si peut-être, d'ailleurs quand on regarde la liste d'entrées du dictionnaire de Kozelek, on voit qu'il y a énormément de concepts qui ne sont plus d'actualité, il faudrait peut-être se poser la question donc de quels sont les nouveaux concepts de cette nouvelle période dans laquelle on se trouve, en quelque sorte. Une des autres critiques, c'est finalement le dictionnaire se concentre sur l'espace germanique, même si dans quelques entrées, on voit qu'on ne peut évacuer la question des transferts entre les langues ou entre les pays. Il faut certainement, et encore plus aujourd'hui, dépasser les frontières et donc sortir du cadre national, ce qui sera le travail, en tout cas l'explication d'un Claire Collier dans sa présentation. Finalement, ces deux principes-là, en tout cas sortir du Satellzeit et sortir des frontières nationales, a été entrepris dans la recherche menée, en tout cas dirigée par Olivier Christin, dans un projet européen qui a commencé en 2002-2003 et qui a donné lieu à ces dictionnaires des concepts nomades en sciences humaines, où l'on trouve donc des nouveaux concepts qui n'apparaissent pas dans les dictionnaires des Kozelek. Et dont la forme dictionnaire, j'ai l'impression, ne lui rend pas justice, étant donné qu'on trouve, en tout cas on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez inégal, avec des concepts qui ne sont pas... En tout cas, on ne voit pas forcément la cohérence de certains concepts qui apparaissent, et on voit que la forme des articles est aussi assez différente d'un auteur à un autre, mais c'est peut-être le risque qu'il faut courir, je crois, pour appliquer en quelque sorte certains principes d'histoire des concepts à des nouvelles recherches. Pour finir, en tout cas, je crois que on peut. En tout cas, il y a toujours un intérêt à faire de l'histoire des concepts, non seulement en histoire, et encore moins seulement en histoire des idées, mais vraiment en sociologie ou en sciences sociales en général. Évidemment, l'intérêt encyclopédique, c'est très bien vu de connaître l'histoire des mots, un intérêt épistémologique très clair de critiquer les concepts qu'on utilise, et donc d'une réflexivité sur les concepts qu'on utilise. Je fais une petite parenthèse, je n'ai pas évoqué Bourdieu, mais bon, Bourdieu évoque l'histoire des concepts allemands dans un entretien avec Lutz Raphael sur les rapports entre histoire et sociologie. Bourdieu, justement, dit, c'est très bien cette réflexivité, mais il dit, ce n'est pas suffisant. Pas suffisant parce que Kozelek ne reprend pas le vocabulaire de Bourdieu, mais peu importe. Disons, on peut allier Bourdieu et Kozelek et dire qu'ils étaient tous les deux d'accord sur cette pertinence de la critique des concepts qu'on utilise. Et finalement, en tout cas pour aller très vite, je crois que reprendre donc l'intérêt de la temporalisation des concepts permet aussi une nouvelle réflexion sur le monde contemporain. Et je saute quelques questions pour céder un peu de temps à un Claire Collier, à la limite, en discuter plus tard. Merci. Alors, dans cette dernière partie de présentation du séminaire, j'aimerais plutôt qu'on revienne sur les théories des circulations internationales des idées ou des concepts, puisque comme vous avez vu dans le programme, il y a pas mal de questions de circulation de théories ou de concepts, et donc aborder, poser la question du voyage des théories, comment elles circulent, ce qui permet de poser la question de leur traduction, traduction qu'on peut entendre à la fois au sens linguistique de traduire d'une langue à l'autre, mais également traduction au sens de déplacement dans un nouvel espace social avec de nouvelles logiques. Et donc du coup, cette traduction ne peut être séparée d'une sociologie de la réception, enfin on va pouvoir en discuter à la suite. Donc dans cette introduction, je voudrais faire d'abord une brève généalogie des théories de la circulation, leur naissance principalement en histoire et en sociologie, pour ensuite discuter des modalités de ces études. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire une étude des circulations internationales des idées? Donc si on constate que, à partir d'un constat très simple, on remarque qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux sur la mondialisation depuis une trentaine d'années qui apparaissent. On peut le voir notamment dans le thème d'agrégation d'histoire moderne des trois dernières années, il me semble qu'elle continue cette année, qui est les circulations internationales en Europe, 1680-1780. Donc ce thème d'agrégation nous montre bien que la question de la circulation est d'actualité et qu'elle gagne également en légitimité au sein d'un champ particulier de l'histoire, puisqu'elle est sujet de concours d'agrégation. Enfin, ça nous montre aussi ce qui n'est pas à négliger ou pas à oublier, en tout cas quand on parle de circulation, qu'on parle de mondialisation, on pense tout de suite à notre monde contemporain, mais les circulations existent depuis déjà longtemps. Ce qui est récent, on va dire, c'est de les porter en objet d'étude. Ou ce qui est... Du coup, voilà. Donc on remarque effectivement qu'il y a mondialisation, une augmentation forte des circulations, du fait notamment des contractions, des distances, des durées de transport, des baisses de coûts de communication, etc., que vous connaissez déjà tous sur les théories de la mondialisation, qui a un impact sur la recherche. Impact sur la recherche, puisqu'on observe des apparitions de nouvelles logiques avec la constitution d'associations internationales, l'organisation de plus en plus systématique de colloques internationaux avec des interventions de gens venus de partout, et l'apparition de programmes de mobilité. On peut penser tout simplement à Erasmus pour des mobilités de jeunes étudiants, à des bourses d'aide pour des jeunes chercheurs, ou des partenariats de recherche entre chercheurs, par exemple au niveau européen, etc. Donc on voit bien qu'il y a un constat de... on veut faire de la recherche plus globale, on veut échanger plus, mais on se rend compte que... Enfin, je trouve que dans l'analyse sociologique, on a du mal à intégrer les approches en termes de circulation, et on peut se poser la question de savoir pourquoi. Donc j'ai quelques réponses, mais il y en a sûrement bien d'autres, qui peuvent être liées d'abord à l'histoire des sciences sociales en général, et de la sociologie plus particulièrement, qui sont des disciplines récentes, construites au XIXe siècle, comme tout le monde le sait, en lien avec la construction des États-nations, qui ont pu jouer notamment dans cette histoire particulière. Et on peut penser à la construction des catégories statistiques liées à des États. Donc on peut penser au livre d'Alain Desrosières, pardon, qui nous montre bien comment catégories statistiques et États se construisent, notamment en France au XIXe siècle. On peut aussi penser à une difficulté de ces circulations qui est rattachée à la langue, puisque s'intéresser aux circulations, c'est s'intéresser à des communautés linguistiques. Et on sait également que les États-nations se sont aussi créées sur l'acceptation d'une langue commune et parlée par tous. Et donc la naissance de ces États-nations a souvent coïncidé avec la politisation d'un vocabulaire politique et d'un vocabulaire, donc de la politisation de certains concepts, qui peut rendre difficile la circulation de ces termes. On peut notamment penser aux termes de nationalité ou de république qui ne recouvrent pas exactement le même sens en fonction de si on en parle en France ou aux États-Unis, par exemple. Et enfin, une dernière explication qui pourrait être que l'histoire, la discipline historique, s'est souvent intéressée principalement à une histoire nationale qui aurait été une histoire contre les autres histoires nationales. Et c'est un peu ici aussi ce qu'il s'agit de penser différemment et de changer. Donc on observe à partir de ce constat que les théories de la circulation émergent et prennent véritablement... Il y a un véritable engouement pour ces recherches. Depuis les années 80, on remarque par la multiplication des séminaires, des colloques, des numéros spéciaux de revues. On peut penser au numéro spécial de ACT en 2002 notamment, qui utilise ces thèses ou ces questionnements, en tout cas la question de la circulation est présente. Donc pour essayer de montrer un peu la naissance de cette théorie, je vais me focaliser sur trois points, et on pourrait les élargir évidemment à d'autres disciplines, mais d'abord à la naissance en histoire, après je parlerai brièvement des cultural studies, et enfin de la sociologie, notamment de Bourdieu. Donc la question de la circulation et de l'histoire, si on regarde du côté de la discipline historique, on se rend compte que cette question des circulations n'est pas absente des nouvelles interrogations et des évolutions théoriques. On peut penser notamment aux travaux de l'histoire des transferts développés par Michel Espagne, qui tente de comprendre l'histoire des transferts culturels franco-allemands, du titre de son ouvrage de 1999. Et il nous dit dans son introduction, je le cite, « Le mécanisme des transferts culturels est susceptible de fournir parfois des aperçus sur l'ensemble de l'espace national, social, pardon, des aperçus d'autant plus synthétiques qu'ils concernent les stratifications de deux systèmes sociaux à la fois, la frontière n'étant pas une limite contingente de chacun d'entre eux, mais un élément structurel de l'ensemble nouveau. » Donc on voit bien ce qui importe, c'est effectivement le décalage entre deux espaces nationaux et la prise en compte de ce décalage qui peut nous apporter pour l'étude en cours. D'un autre côté, on peut penser aussi au développement de l'histoire globale, récemment, histoire qui se veut notamment globale par son objet d'étude, mais également par une nouvelle approche qui serait plus pluridisciplinaire. Et on peut ainsi penser notamment à l'ouvrage de Romain Bertrand, L'histoire à part égale, qu'il a publié l'année dernière pour illustrer cela. Donc on voit bien que l'histoire s'intéresse aujourd'hui à des phénomènes d'interaction qui entraînent des multiplicités d'effets. Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde les circulations, c'est qu'on peut regarder la réciprocité des échanges, mais ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est l'asymétrie de ces échanges et voir pourquoi il y a des échanges qui ne fonctionnent pas et comment ça se fait qu'il y ait des échanges asymétriques et essayer de les relier. Donc dans un second temps, on peut voir que la naissance de ces premières théories de la circulation en sociologie peuvent être sous la plume de James Clifford dans un article intitulé « Notes on Travel and Theory » que vous pouvez trouver sur Google facilement si vous tapez, vous avez directement l'article. Et donc qui pose justement la question de savoir comment les théories sont appropriées et comment elles résistent ou non au déplacement. Donc véritablement savoir si les théories voyagent, et pour cela il utilise Freud principalement pour essayer de voir comment ça a voyagé. Et il souligne que en fait la non-appartenance à un champ défini au préalable permet la circulation, puisque le fait de ne pas avoir de place permet en fait d'avoir une place partout, paradoxalement. Et donc ces théories de James Clifford sont prolongées par Edward Said notamment. Et enfin, le développement donc, des cultural studies et des post-colonial studies dans la sphère anglo-saxonne et principalement américaine, qui permettent d'insister sur le concept d'hybridation, mettent en avant en fait des questions sociales en termes de circulation en insistant sur les vertus du métissage. Donc, il y a beaucoup de critiques à l'encontre de ces courants, notamment sur leur aspect littéraire, on ne va pas les discuter ici, mais en tout cas, on peut dire avec Stéphane Van Damme que les cultural studies ont eu le mérite de faire émerger un paradigme de la mobilité qui s'est ensuite propagé à l'ensemble des sciences sociales. Et maintenant, si on se concentre sur la France, et on peut voir l'apport de Bourdieu dans la construction de ces circulations internationales des idées. Donc là, je fais appel à la communication qu'il a faite le 30 octobre 1989 lors de l'inauguration du Frankreich Zentrum de l'Université de Fribourg. Donc il a fait une communication qui avait pour titre « Les conditions sociales de la circulation internationale des idées », publication reproduite dans les actes en 2002. Donc c'est un article programmatique, puisque Bourdieu ne l'a jamais véritablement appliqué, et dans lequel il souligne les difficultés rencontrées par les théories dans leur circulation. Et donc il insiste sur les facteurs de circulation ou les frontières de ces circulations, en mobilisant notamment un faisceau de concepts présents dans sa sociologie traditionnelle. Donc il parle d'espace, de champ, il parle d'intérêt stratégique des acteurs, etc. Et donc sa thèse principale est que les incompréhensions théoriques entre les différents espaces nationaux sont dues au fait que les textes circulent sans leur contexte d'origine. Donc il reprend ça notamment de Marx. Et il montre que dans une logique de réception, un ouvrage est marqué par différents signes et donc réapproprié dans un nouvel espace qui prend un nouveau sens. On va développer ça dans la seconde partie. Donc cette sociologie bourdieusienne de circulation internationale des idées est aujourd'hui notamment représentée à l'EHESS par Gisèle Sapiro. Donc finalement, ces théories ont permis de s'éloigner et d'éviter d'essentialiser les concepts pour les réintégrer dans des sphères nationales particulières, régies par de nouvelles logiques et des intérêts d'agents. Donc du coup, on porte vraiment regard sur une question dynamique qui pose la question de passage, de transfert et de lutte. Et ça nous permet de voir que les théories ne circulent pas seules, entre guillemets, ou ne seraient pas dans les airs, mais qu'il y a effectivement des logiques sociales derrière. Et on a donc bien une logique d'interaction entre un ou plusieurs espaces sociaux quand il s'agit de transfert des idées. Et c'est ce que je voudrais qu'on étudie maintenant en termes de modalités, comment se fait un transfert et qui participe au transfert. Donc tout d'abord, quelques remarques méthodologiques très rapides. Quand on parle de transfert ou de circulation, il est essentiel de se poser la question de savoir quel outil méthodologique on va utiliser pour les penser et en quoi ces outils vont influencer la représentation qu'on a du phénomène circulatoire. Donc on peut penser à différents types de méthodologies, que ce soit de l'analyse de réseau, des repérages bibliographiques de récurrence de termes par exemple, ou des entretiens. Donc évidemment, ces différentes approches méthodologiques ne s'excluent pas, mais le choix d'une méthodologie influence donc une représentation, comme j'ai dit, il est bien de poser la question ou de montrer qu'il faut réfléchir dessus en tout cas. Donc, les théories ne circulent pas seules, comme je l'ai dit. Donc, qui les fait circuler et pourquoi les faire circuler ? Donc qui les fait circuler? Pour répondre à cette question, dans la littérature scientifique, on retrouve pas mal de dénominations qu'on peut discuter. Il y a notamment le terme de passeur, intermédiaire, homme double que l'on retrouve chez Christophe Charles, homme pluriel que l'on trouve chez Bernard Lahire, ou traducteur tout simplement. Donc ce qui caractérise ces agents, c'est le fait d'être le lien entre différents espaces sociaux, à un niveau international ou à un niveau national. Donc ils ont des trajectoires de vie particulières, et notamment, ils sont, on peut dire, dans une situation de multipositionnalité, au sens où le définit Luc Boltanski, donc dans son article publié toujours dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales en 1973. Mais par exemple, si on prend la thèse de Mathieu Hochkorn sur la réception de Rawls, pour voir ses trajectoires de vie, il montre que l'intérêt pour Rawls est dû souvent, enfin parfois, pas souvent, parfois dans certains cas, à le fait de parler deux langues couramment. On a eu une trajectoire d'enfance qui a permis un bilinguisme, donc l'accès à ses sources plus facilement, donc dans ce sens-là. Ou il parle aussi de trajectoire de vie personnelle avec un mariage, avec quelqu'un qui est proche de ses théories, et donc on a connaissance de ses théories, et on s'inscrit dans ce champ. Donc on voit bien que une trajectoire particulière peut justifier un investissement dans un champ qui n'aurait pas été le cas auparavant et qui permet un lien entre différents espaces. Donc, qui fait circuler, mais aussi pourquoi? Et si on reprend Pierre Bourdieu, on est dans une logique de concurrence dans un champ donné. Donc souvent, les passeurs auraient été, dans un premier temps, marginaux dans le champ du pays de réception, et en fait, penser que l'importation d'un nouveau texte peut chambouler l'état du champ et donc permettre de gagner en légitimité. Donc en fait, importer ou traduire une théorie serait un moyen de gagner un capital symbolique particulier et une reconnaissance dans un champ. Cependant, une difficulté ou une attention particulière à laquelle il faut porter quand on étudie ces agents, c'est de les resituer dans une échelle particulière. Resituer à la fois dans, si on les parle d'un cadre global, national ou international, il faut bien avoir conscience qu'il y a ces différentes échelles qui se chevauchent pour comprendre parfois des prises de position qui peuvent paraître contradictoires, et donc les réinsérer dans la bonne échelle, je dirais, permettrait de comprendre ces contradictions. Enfin, si certes il y a des personnes qui influencent cette réception, qui sont un peu porteurs de label ou fabricants de label dans un nouvel espace, mais la réception est aussi marquée par tout un ensemble d'indices, on va dire, qui font qu'elle est reçue d'une manière ou d'une autre, marquages qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc pour ça, on peut penser au choix du traducteur, par exemple. Est-ce que le traducteur de cette nouvelle théorie est, je ne sais pas, un philosophe connu et reconnu, ou est-ce que c'est un traducteur professionnel? On peut penser aussi au choix de la maison d'édition qui publie l'ouvrage. Où elle se situe dans le champ des maisons d'édition? Est-ce une petite maison d'édition indépendante, une grosse maison d'édition? On peut aussi penser en termes de marquage à la rédaction d'une préface ou d'une postface. Et effectivement, porter un regard particulier, faire l'étude des préfaces, peut être un bon indicateur des différences de lecture et de réception dans un nouveau champ. Pardon. Donc voilà, donc il y a tous ces enjeux, et il ne faut pas oublier que la circulation doit rester historicisée. Donc on est toujours dans une logique diachronique ou dans une logique de socio-histoire. Et parce que faire une généalogie et revenir sur un concept permet de revenir sur une configuration sociale ou politique particulière qui permet à la fois d'insister sur des évolutions de ce concept, sur ce qui est passé et sur ce qui n'est pas passé. Et ça permet toujours de ne pas penser l'autonomie du texte, ce qui est un risque toujours, et de le réinsérer dans une logique sociale. Ça permet aussi d'éviter la neutralisation des contextes historiques et de penser le tout universel, on va dire, donc recontextualiser ces concepts. Donc on a parlé de la circulation, maintenant j'aimerais qu'on vienne plus précisément à la question de la circulation et traduction, et plus poser la question de la traduction. Donc quand on analyse un courant théorique dans le cadre de circulation internationale, il ne s'agit pas véritablement d'étudier le courant en tant que tel, mais en fait des usages qui en sont faits dans différents espaces. Donc des exemples de thèses là-dessus, donc celle de Mathieu Hochkorn dont j'ai déjà parlé sur la réception des théories de la justice de Rawls, ou on peut aussi penser à la thèse de Romain Pudal sur la philosophie pragmatique. Donc qu'est-ce que ça signifie faire une sociologie de la traduction? Si on se réfère au rapport rédigé par Gisèle Sapiro et Johan Elbron, que vous trouvez également sur internet, si, je crois que ça s'intitule « Pour une sociologie de la traduction, bilan et perspective », Il souligne deux tendances dans cette sociologie de la traduction. Une première tendance qui viendrait des cultural studies et une autre qui viendrait de la démarche économique. Et donc, tout de suite, deux critiques sur ces tendances. La première qui serait qu'elle ne s'intéresse pas aux conditions sociales de la traduction et aux différents agents en jeu dans la mise en place d'un livre. Deuxième critique face à la démarche économique qui serait que le livre est considéré comme un bien comme les autres. Il ne faut pas oublier que le livre est aussi un bien symbolique, donc il y a des enjeux de circulation particulière derrière. Donc, venir à ça, et dans cette suite de Gisèle Sapiro et Johan Elbro, on montre que la traduction se fait par... C'est un rôle actif des traducteurs, un rôle actif des acteurs. Voilà. Et pour voir cette analyse, cette traduction, il faut bien penser qu'on n'est pas juste dans une logique transnationale de traduction entre un espace national à un autre, mais bien un espace social à un autre. Pour illustrer ça... On peut regarder la thèse de Thibaut Rioufray qui a travaillé sur l'importation de la troisième voie britannique en France, au sein du Parti Socialiste notamment, et il montre bien qu'il y a une traduction de la troisième voie entre donc, la Grande-Bretagne et la France, mais également en France entre différents espaces sociaux, donc entre à la fois les militants du Parti Socialiste, mais également les intellectuels proches de la gauche par exemple, et ce n'est pas la même traduction qui est faite, ni le même usage de la troisième voie britannique. Donc à partir de là, on peut faire appel à la notion, ou à une notion de, qui me semble intéressante, de parler de, théorie, de carrière d'une théorie, en fait, ou de trajectoire d'une théorie, qui permet de voir les conditions de possibilité de transformation d'un concept ou d'une théorie en fonction de leur transposition dans différents espaces sociaux. Donc effectivement, la circulation entraîne transformation, transformation qui peut être liée à des sélections, des filtrages, ou des effets de traduction, et qui sont surtout liés à l'apparition ou à l'existence d'un certain nombre de frontières. Donc frontières qu'on pourrait détailler, il y a les frontières politiques, tout simplement, les frontières nationales traditionnelles, on va dire. Frontières en termes de système institutionnel, par exemple, une théorie ne trouve pas sa place dans l'organisation institutionnelle française, par exemple. On peut penser au système de pensée qui structure... notre manière de penser et qui du coup fait qu'on est plutôt réticent à une nouvelle théorie parce qu'elle ne correspond pas à nos cadres de formation, des frontières culturelles, des frontières symboliques et évidemment des frontières linguistiques. Et donc ce qui est intéressant toujours en parlant de frontières, c'est qu'on regarde ce qui traverse la frontière et aussi ce qui s'arrête à la frontière. Et c'est ce qui me semble toujours intéressant de voir ce qui circule et ce qui ne circule pas. Donc à partir de tous ces constats qu'il y a des difficultés de circulation, pour revenir à l'appellation de la personne, de l'agent de la circulation, qui fait circuler, il me semble plus intéressant de parler, d'utiliser le terme de traducteur et non pas celui de passeur ou intermédiaire, puisque celui qui importe une théorie la traduit toujours pour un nouveau public ou dans un nouvel espace national, social. Du coup, plutôt que de parler de sociologie de la réception également, moi je privilégierais de parler de sociologie de la traduction tout simplement. Et donc poser cette question de la traduction va de pair avec une sociologie, la question des intraduisibles, vous avez vu qu'on va l'aborder dans le séminaire, donc toujours pour s'intéresser à ce qui ne traverse pas, des concepts intraduisibles, ceux qui, malgré toutes les frontières, ne renverront jamais à quelque chose de compréhensible ou de commun dans un nouvel espace. Et pour prendre un exemple, il y a 2 ans, a été publié un dictionnaire de la ville dans lequel ils ont fait le choix de ne pas traduire les termes. Donc effectivement, pour ghetto, on retrouve favela ou on retrouve bidonville. Et ils donnent des définitions pour chacun de ces termes afin de montrer que ces concepts ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités et d'apprécier les nuances qui existent entre les différents termes. Donc la non-traduction peut s'avérer aussi révélatrice que la traduction, voire même plus, selon moi. Et ça peut montrer des limites d'un système politique, par exemple. Comme Christine Planté le souligne à propos du concept de genre, je la cite, elle nous dit « La conviction qu'avec la langue française, qui ne permet pas l'exacte traduction du terme, c'est quelque chose du génie national, d'une histoire et d'une singularité culturelle qui résiste, hante de façon implicite ou explicite de nombreuses argumentations. » Donc on est toujours dans cette théorie qu'il y a des choses qui ne passent pas et qui ne peuvent pas passer du fait d'une histoire particulière ou d'un contexte particulier. Donc du coup, voilà, en conclusion, j'ai essayé un peu de montrer tous les enjeux autour de la question de la circulation, enfin, pas tous, mais un certain nombre, et qu'on va discuter lors des différentes séances du séminaire que Axel va pouvoir nous présenter maintenant, ou Marie-Claire. Non. Bon, en tout cas, merci. Juste pour présenter les intervenants, donc on aura dans le séminaire qui vont chacun traiter problématiques qui touchent à leur recherche. Dans 15 jours, donc le mercredi 14 novembre, nous recevrons Stéphane Dufoy qui a publié récemment une histoire, la notion de diaspora de l'Antiquité à nos jours. Et il va traiter vraiment des problématiques méthodologiques liées à son travail, donc sur la notion de diaspora. Sociosémantique. Qui lui présente une socio-sémantique historique. En janvier, nous recevrons Monica Salzbaum pour Communauté, Société, Société, Monde, réflexion épistémologique sur le transfert des concepts en sciences sociales. Le 16 janvier, de toute façon, vous avez le programme sur Internet. En février, Hélène Berthelot sur Ethnicity, Ethnicité, Ethnicisation, outils conceptuels et usages politiques. En mars, Pascal Marchand, définir la laïcité par ses usages médiatiques, une approche lexicométrique, donc avec encore une autre approche méthodologique. En avril, Marc Joly, individu et société, histoire croisée du régime conceptuel des sciences humaines et sociales, donc avec ces deux notions clés, en tout cas des classiques de la sociologie. Et finalement, en mai, Razmig Kechuyan avec Antonio Gramsci, une pensée devenue monde sur le vocabulaire de Gramsci et la diffusion de ses concepts. Nous avons une bonne quarantaine de minutes pour des questions. Donc, j'ai une question à poser à Claire. Deux questions. La première, c'est quand tu parles de l'article de Clifford Geertz, à un moment, James Clifford. Ah, c'est James Clifford. À un moment, tu expliques, j'ai sans doute loupé un moment, tu expliques, la non-appartenance à un champ spécifique permet la circulation plus facilement. Oui, en fait, le fait de... Ça veut dire la non-exclusivité. En fait, le fait de ne pas être identifié dans un espace particulier permet d'être... De mais pouvoir être identifié pouvoir s'insérer partout. Bah, dans un espace à la fois national, par exemple, si vous n'êtes pas véritablement identifié dans une école ou dans d'accord. un. Permet. D'accord. Très bien. Et là-dessus, si j'ai bien compris. Dans un champ académique aussi. Il me semble que c'est ce que je dis. D'accord. Parce que je ne comprenais pas bien, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours ça. On appartient toujours à un champ, en fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Et la deuxième question, c'est la notion qui me paraît très intéressante de trajectoire d'une théorie et de carrière d'une théorie, que moi j'utilise personnellement pour les carrières de militants, mais il me semble qu'elle convient très bien à des théories, parce qu'en même temps elle dit que la théorie a une existence indépendante, et qu'en même temps elle s'inscrit dans différents champs sociaux desquels elle dépend vachement. Donc ma question c'est ça vient de qui en fait, l'idée de carrière d'une théorie, c'est toi ou c'est... Non, je l'ai pris dans la thèse de Mathieu Hochkorn, c'est lui qui... Enfin, moi, je l'ai... Qui se... Oui, tout à fait. Une carrière déviante, ouais. C'est une transposition. Oui. Et Hochkorn, ça s'écrit comment ? H-A-U-C-H-E-C-O-R-N-E. C'est la liste. Quelqu'un. En fait, j'avais beaucoup de remarques, parce que vous êtes tenu à un niveau très très général, ce qui est bien. Et en même temps, vous êtes aussi dans le fond commun de la réflexion sur les rapports entre sociologie, langage, histoire. Donc je vais plutôt parler de ta communication, mais ça me permettra de rebondir sur ce que j'ai entendu par ailleurs. Bon, je pense que vraiment, quand on réfléchit sur la circulation, notamment de l'histoire conceptuelle en France, il faut vraiment faire de la sociologie des idées, il faut avoir une petite idée du monde académique allemand. Bon. Alors, tu as évoqué deux choses, en tout cas, il y avait deux éléments assez importants dans ce que tu as présenté sur la Begriffsgeschichte. Il y a le problème de la réception en France, et il y a le problème des limites du modèle. Alors, le problème de la réception, je pense qu'on, en France, quand Werner dit bon, que Zelec est un auteur connu en France, en fait, il pense aux historiens de l'HESS. Hein, voilà, bon. Donc, c'est vrai que parmi les historiens de l'HESS, on en connaît un certain nombre, Hartog, Chartier, et beaucoup d'autres, enfin, Van Taden. Bon. Kozelek est une référence. C'est une référence qui n'est pas toujours explicitée dans les textes, sauf chez Arthur. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, Kozelek, c'est vrai qu'il a été proche de Furet. Enfin, il a été... Il y a une proximité qui s'est construite rétrospectivement entre Kozelek et Furet, mais parce qu'il a travaillé avec lui. Il a travaillé sur un projet relatif à l'iconographie. Il a été reçu à l'EHS. Donc il a été reconnaissant par rapport à l'institution. Mais en revanche, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on parle de la non-réception, de la réception de Kozelek en France, c'est qu'en fait, sa grande œuvre, c'est-à-dire le dictionnaire de Gigis, les Chevaux de Maigrefeu, est faite en collaboration avec deux historiens qui sont beaucoup plus âgés que lui et qui ont une trajectoire académique très chaotique. En fait, en Allemagne, ils sont associés à la Sozialgeschichte. Avant ça, c'était la Volksgeschichte, c'est-à-dire, au fond, le nom à travers lequel on pense à la reconversion des historiens qui sont passés par le régime nazi et qui ont été disqualifiés après la guerre. Donc il y a en France, puisque les historiens de l'EHESS sont partis des importateurs de Kozelek, il y a en France une résistance autour de l'univers kozelekien à cause de la trajectoire de certains acteurs académiques allemands avec lesquels Kozelek a travaillé. Bon. Voilà. Et il y a le rapport de Bourdieu à Kozelek. Tu en as parlé, et tu as parlé aussi de son texte de 89. Je pense que c'est pareil, en fait. Quand il dit, en 89, en Allemagne, les textes voyagent sans leur contexte, en fait, il durcit sa propre perspective, parce que du point de vue du modèle de Bourdieu, c'est faux. Les textes voyagent avec leur contexte, puisque les contextes sont dans les textes sous la forme de propriétés textuelles. Hein. Les propriétés du contexte existent dans les textes. Bon. Et en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des malentendus dans les phénomènes de réception transnationale. Et ça, Bourdieu permet de le penser. Mais en fait, quand Bourdieu dit ça, il s'adresse, donc il parle en Allemagne, il s'adresse à Hans-Robert Tiaus, qui est le maître de l'herméneutique en Allemagne. Et Kozelek a aussi travaillé avec Tiaus. Bon, il se trouve que je publie là dans quelques mois un inédit de Bourdieu sur Kozelek, où il est très élogieux, mais il s'adresse à un public français. Donc bon. Et les limites. Alors tu dis pas d'intérêt dans les Geschichtliche Grundbegriffe pour les phénomènes de circulation transnationale. Évidemment, il parle d'une période où les nations sont en construction. Mais en revanche, il est beaucoup question dans toutes les entrées du dictionnaire sur les phénomènes de circulation des lexiques et sur les phénomènes de circulation des concepts. Il suffit par exemple de réfléchir sur la circulation du latin dans les langages vernaculaires au Moyen Âge. Bon. Donc il y a un vrai intérêt pour les phénomènes de circulation. Et si on veut réfléchir sur aujourd'hui, il suffit de transposer les méthodes qui sont exposées, sous réserve d'historicisation, dans les Geschichtliche Grundbegriffe. Par ailleurs, le problème de la perspective temporelle, si on change de perspective temporelle, on passe du temps long au temps court, en fait, on ne fait plus de sémantique, hein, comme tu l'as rappelé dans ton intervention. Si on veut observer les transformations du sens, il faut rapporter les transformations du sens à quelque chose qui est social. C'est par exemple ce que Meillet fait quand il pense les transformations des significations des mots à travers le processus de division du travail. En ce sens, c'est très durkheimien. Donc, si on passe du temps long au temps court, on ne fait plus de sémantique. En Allemagne, on fait de la pragmatique der Sprache, de la pragmatique de la langue. D'ailleurs, si je me souviens bien, exposé dans l'introduction de l'un des deux livres qui ont circulé là de Kozelek. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que personnes qui ont travaillé avec Kozelek et qui continuent à travailler dans une perspective de Begriffsgeschichte prennent aujourd'hui en compte l'élément micro-diachronique comme faisant partie d'une histoire conceptuelle. Donc la micro-diachronie s'est intégrée aujourd'hui dans la Begriffsgeschichte et Willibald Steinmetz, par exemple, qui n'a pas encore de texte traduit en France, fait ça très bien. Enfin, vous avez d'autres choses à dire, mais peut-être que s'il y a une conversation. Je ne sais pas si on peut vraiment répondre. Merci de ces commentaires. Pour la question de la longue durée ou la courte durée, justement, ça, je reprends une autre discussion, mais l'article d'Escudier dans les Annales, il y a deux ans, c'était un article très dense. Et qui, bon, disons, touche à pas mal des choses, mais dans sa conclusion, en gros, ce qu'il évoque, c'est l'idée de dépasser, en tout cas ce que j'ai pris de l'article, en gros de dépasser finalement aussi cette fixation sur la période et proposer d'autres phénomènes contemporains, donc pour sortir des quatre caractéristiques de temporalisation, politisation, idéologisation, il propose de réfléchir à d'autres perspectives contemporaines. Donc il disait, je crois, déterritorialisation, globalisation et autre chose. Donc, oui, c'est vrai qu'on serait dans une autre perspective, mais pourquoi ? En tout cas, j'ai l'impression qu'il... Il fait partir de Kozelek, hein. Oui, non, mais justement, mais on ne peut pas garder, en gros, les concepts fondamentaux jusqu'en 1850 comme étant les... Je ne sais pas, je pense que quelqu'un qui fait une histoire conceptuelle aujourd'hui sur, par exemple, des néologismes, mettons gouvernance, par exemple, hein, c'est pas dans le Zettelzeit, ça, il devrait mettre en évidence des éléments clés du processus de transformation qui sont à peu près équivalents à ceux qu'on trouve dans le Zettelzeit. C'est-à-dire qu'il devrait trouver des formes d'idéologisation, des formes de politisation, des formes de décloisonnement social qui sont propres à la période dans laquelle on est situé. Et donc il faut faire le travail. Mais il ne reste pas moins que les processus sociaux qui sont à la racine des transformations des significations ont bien été décrits par Kozelek, ils sont transposables. Mais sous réserve de faire le travail d'historicisation. C'est ce que propose Escudier dans son texte des Annales. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, du coup, une des questions, malgré tout, c'est si on propose, quand on propose des concepts qu'on va essayer de discuter, historiser, c'est. Et analyser, c'est vrai que par exemple on reste dans des concepts, c'est un peu quelque chose qui a sauté ma conclusion, mais on reste sur des concepts sociologiques, mais ou scientifiques finalement, du coup on réduit, on sort quand même complètement des concepts fondamentaux de la vie politique et sociale, mais justement je crois, en tout cas un des intérêts, si on reprend ce que disait Bourdieu, donc de faire un travail de réflexivité sur les concepts, sortir du cadre assez rigide nous fait perdre, ils ont tout un intérêt historique évident, mais en temps nous permet permet de s'approprier plus facilement les quelques prémices de causer avec l'histoire des concepts qui de toute façon ne sont pas prises en compte soit en histoire ou en sociologie. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça ce que je disais pour le dictionnaire des concepts nomades. Il n'a certainement pas le poids des 11 volumes, je ne sais plus combien de volumes, 8 volumes des dictionnaires de Kozelek. Mais il reste une façon de s'approprier quelques principes et les actualiser. Enfin, les actualiser dans le sens le renouveler ou proposer d'autres recherches. Même si pas forcément la même perspective. Ils ne travaillent pas tous dans la même perspective, c'est un bouquin qui est très inégal. Oui. Il y a des choses très bien, et puis il y a des choses qui relèvent. Il y a des articles de deux pages. L'analyse des concepts, c'est l'analyse des emplois successifs du même mot. Bon, l'analyse des emplois successifs des mêmes mots, c'est pas l'analyse des luttes de qualification des mots. Il y a quelque chose qui est très propre à la lexicologie d'un côté et quelque chose qui ressort de la sociologie de l'autre. Et c'est normal, à partir du collectif. On verra avec Pascal Marchand qui n'est pas du tout dans son approche d'histoire. Ah oui, c'est sûr que nous aussi on va discuter avec des lexicographes. Mais bon, ça permettra de. Justement, on a bien discuté aussi. Et on verra aussi avec Stéphane Dufoy qu'on n'est pas du tout dans la microdiachronie, c'est ça ? Non ? Avec Stéphane Dufoy. Ça aussi, on pourra discuter. Même dès la question de la traduction, mais... Moi, je suis un affût de fiche, je commence juste à m'intéresser un petit peu à côté là, quand je ne peux pas du tout poser une question précise, plutôt de curiosité. Là, ce que vous avez vu un petit peu dans les. En tout cas, ce que j'ai compris des différents exposés, c'est un intérêt à la fois pour l'aspect histoire, comme c'était plutôt toi, et un aspect plutôt international. Les deux, évidemment, souvent ce genre-là. Qu'en est-il de l'aspect plus milieu social? Enfin, c'est un peu basique comme manière de présenter la chose, mais par exemple, prenons un exemple qui est une répercussion internationale, dont tu as parlé, la Révolution française. On voit que cette répercussion, elle a eu très certainement un rôle dans l'émergence du mouvement ouvrier. Enfin, je veux dire, par exemple, Thompson, l'analyse, la réception de la Révolution française par les mouvements ouvriers, la réinterprétation de thèmes extrêmement, extrêmement généraux, l'égalité, la liberté, et la façon dont ces thèmes sont réinterprétés. C'est pas forcément l'Angleterre qui interprète ça comme ça, c'est le mouvement ouvrier en Angleterre, par rapport, et y compris en France, très certainement aussi, le thème de la souveraineté populaire, il faisait vraiment. Il n'y avait pas une notion de souveraineté populaire à cette époque. Donc comment ces auteurs que je commence juste à m'intéresser, ils articulent, s'ils le font, ces différentes strates historiques et sociales? Ce que j'ai présenté, on le retrouve pas certainement chez Guillaume, mais Guillaume et toute l'équipe qui travaille quand même sur surtout d'ailleurs, sur les différents clubs. Discussion, ça passe beaucoup au vocabulaire populaire. Pour ce qui est de Skinner et Pocock, ce n'est pas question. Pour Kozelek, justement, un des principes de ces concepts fondamentaux, c'est la diffusion des concepts dans différentes couches de la société. Après, il n'y a pas forcément un travail spécifique sur différentes couches, il y a... Non, disons, c'est aussi des questions à incorporer ou à traiter. Après, ça concerne ce que cherche le chercheur. Disons, quel est l'angle d'attaque et sur ce qu'on veut se concentrer. Je ne sais pas, voilà, si je réponds... Pour ce qui est vraiment des langages populaires, c'est Guillaume Houx, mais qui travaille dans des logiques pré-linguistiques avec des corpus... très limité. C'est très intéressant, mais ça reste, en tout cas pour moi, assez décevant en général, parce que finalement on trouve des choses assez réduites. Il y a une autre approche dont on ne va pas parler, mais qui répond à la question, mais qui est aussi extrêmement encore plus linguistique que ce que fait Guillaume, qui est la lexicographie en fait. Et là, tu as certainement les trucs les plus en pointe d'utilisation, pour le coup, de méthodes quantitatives un peu hard, pour voir, par exemple, quel mot est utilisé par qui, donc quel type de publication, si on reste au vocabulaire écrit, et en proximité avec quel mot. Un mec comme Tournier, qui a fait ça sur le mot peuple, je crois, au début du 19e siècle, où il montre voilà, qui va utiliser le mot peuple, il fait des graphiques sur l'internet. Et le problème, c'est que plus tu tires vers la linguistique, et surtout sur la linguistique un peu quantitative, plus tu vas vers l'histoire des mots et plus tu vas vers l'histoire des concepts. Mais en gros, les personnes qui font de l'histoire des usages des concepts à partir d'autres choses que les grands textes, on n'en a quasiment pas. S'il y a un truc qui est... Alors, il y a quelqu'un qui est absent de la discussion, mais qui est Rose en Vallon, et qui a exactement le même problème que Skinner, que Pocock, que Kozelek, c'est que c'est une histoire très centrée sur... qui n'est pas sur la parole profane, quand même. Est-ce que je peux ajouter une référence à ce que tu viens de dire? C'est vrai, je suis complètement d'accord. Plus tu vas dans la lexicographie, moins tu peux intégrer dans la lexicographie la dimension sociale de la circulation du vocabulaire. Mais il y a sur la Révolution, il y a le fameux travail de William Sewell sur le langage du travail, où il montre très bien c'est sur les corporations. Alors les corporations sont supprimées sous la Révolution, sauf que matériellement ça n'existe plus, donc les individus n'ont plus d'intérêt à y faire référence. Mais le vocabulaire se survit dans les couches sociales populaires, survit jusqu'en 1848, parce que les transformations du rapport au travail collectif change dans ces années à peu près vers la Seconde République. Donc ça continue à exister, alors même que le vocabulaire n'est plus en cours parmi ceux qui l'ont supprimé, hein, c'est-à-dire parmi les élites politiques. Donc là, on voit très bien comment il peut y avoir une déconnexion entre le mot et la chose, et puisque la chose n'existe plus, mais le mot continue d'exister. Hein, c'est le fameux problème de sémantique que tu soulevais au début. Et en même temps, on comprend très bien en lisant Sewell pourquoi les acteurs, certains acteurs, certains groupes sociaux continuent d'utiliser le mot. D'abord, ils ont une nostalgie d'une forme de solidarité qui existait avant la Révolution, sous la Révolution, et qui manque dans la période relativement conservatrice de la monarchie constitutionnelle. Il y a toutes sortes de raisons. Et de ce point de vue-là, le livre est vraiment très, très informatif. Et c'est intéressant parce que je pense que William Sewell est un. D'ailleurs, c'est pas. Alors, qui travaille sur la France. Il travaille sur 1789-1848. Lui, il est encore vivant, c'est un monsieur maintenant, enfin, un retraité. Et donc, c'est un des seuls. Alors, parce qu'il a un regard décentré, il travaille sur la France. Mais à ma connaissance, il n'y a pas du tout d'historien français qui travaille pareil sur les utilisations du vocabulaire, les interactions entre le vocabulaire et la pratique ouvrière. Et en gros, voilà, il faut que tu ailles chercher du côté des Anglais, des Américains, de E.P. Thompson pour la classe ouvrière anglaise, William Sewell, ou Bernard Moss pour la classe ouvrière française. Stedman Jones. Regarde Stedman Jones qui fait exactement le travail de Sewell. Sur quel? Sur l'Angleterre, mais c'est exactement le même type de travail. Et c'est vrai que ça manque. Et justement, j'avais une question à propos de ça, parce que vous avez l'air assez informé sur ces choses-là, en tout cas, pour proposer un séminaire qui est très beau. Qui, en gros, aujourd'hui, si on sort de la génération des personnes qui sont un peu vers la fin, bon, qui a... Alors vous avez, il y a eu quelques noms étudiés, etc. Mais qui est praticien, et pas seulement... qui est praticien d'histoire, d'histoire des concepts, aujourd'hui, voilà, c'est une vraie question. Je crois la nouvelle génération. Je voulais dire pas forcément parmi les gens connus, mais c'est des questions très... Non, mais des exemples de recherche. Parmi les personnes qui sont maintenant en apte, qui peuvent diriger des recherches, c'est-à-dire des personnes qui sont HDR, professeurs ou directeurs de recherche CNRS, qui forment le cœur de ce qui peut constituer des viviers de réflexion sur l'histoire conceptuelle. Je trouve ça très très intéressant. Mais en France ? Ouais, en France. Parce que sinon tu trouves ailleurs. Ah, peut-être. Disons, Stéphane Dufoy. Mais je ne sais pas, on peut arrêter l'enregistrement. Tu enregistres. Alors, on coupera le débat. Non, je veux dire, Stéphane Dufoy, en tout cas, moi personnellement, je travaille sur la circulation d'une notion qui ne s'inscrit pas vraiment sur l'anarchisme, qui ne s'inscrit pas vraiment dans une histoire des concepts stricte. Et lui, il a quand même l'expérience donc c'est publication qui était son HDR sur la notion de diaspora. De là, je ne crois pas qu'il se limite à être un historien conceptuel. Et je ne suis pas du côté des... Il explique qu'il passe vraiment par le mot, Stéphane Dufoy. C'est-à-dire que c'est là où on voit un peu dans la conclusion la différence entre le mot ou le concept, qui est difficile aussi, mais Stéphane Dufoy, lui, il évoque vraiment de s'intéresser aux mots à travers différents corpus, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer simplement dans le concept. Il s'intéresse aux mots, mais il va quand même après faire des trucs qui relèvent du travail conceptuel, oui, de distinguer différentes exceptions et de les fixer un petit peu. Donc, Amine, j'entends Dufoy, ok, je ne vais pas réfléchir. Après, je ne sais pas. Oui, c'est un champ à inventer. Oui. Parce que c'est bizarre, parce qu'il est extrêmement bien formé dans d'autres pays. Et là, bon, vous parlez de Guillaume, ok, c'est petit, enfin, c'est parti sur d'autres choses aussi, ou la croix. Parce que dans ta question, c'était plutôt sur un temps long ou sur un temps court? sur un temps court, sur aujourd'hui, sur une radiographie de ce qui est possible de faire, avec qui penser et travailler sur ces histoires des concerts qui sont très développées dans d'autres pays, qui sont assez peu en France. Je me disais que vous aviez peut-être fait un travail exploratoire. Qui est très linguiste. Après, on parle dans la linguistique, mais qui étudie plutôt l'histoire de formules et pas de concepts. Mais c'est toujours pareil. Est-ce que, par exemple, il y a des personnes qui auraient apporté tous les concepts de genre, tout ce qui est queer, tout ce qui est postcolonial, est-ce qu'on peut les considérer comme des... Parce que moi, j'ai un peu du mal, enfin, j'arrive pas à avoir la distinction entre l'histoire des concepts, parce que du coup, c'est une perspective très historique avec vraiment des historiens qui présentaient, et tout ce qui est production de savoir et circulation de savoir. Donc, ce sera en anglais, knowledge production, et du coup, là, il y a une grosse littérature. Et là, pour le coup, dans la production des savoirs, peut-être qu'il y a quand même, ou dans la circulation de tous ces concepts anglo-saxons, y compris sur Black Feminist, on a une traduction d'un livre qui est Black Feminist, voilà, on a. Est-ce que ça rentrerait dedans? Et du coup, il faudrait voir toutes ces théories-là qui ont circulé, je sais pas. Et du coup, moi, c'était aussi ma question, c'est pour ça que ça m'a fait sourire, sur justement la circulation, la théorie de circulation des concepts en elle-même, pour le coup, elle a été, moi, il me semble, en tout cas, de ce que je regarde, pas mal théorisée, pareil, dans des études anglo-saxonnes, que je sais pas si vous connaissez cette littérature, mais notamment sur la circulation des idées entre différents champs et différents espaces, par exemple champ académique, champ militant, enfin, moi c'est vraiment la perspective que j'analyse, et du coup, là il y a des choses qui ont été faites, notamment par des chercheurs qui travaillent sur le postcolonial, sur la mondialisation, les luttes contre des luttes populaires, par exemple en Asie du Sud-Est, sur, enfin voilà, je pense à des études précises, mais faudrait peut-être qu'on, je pourrais peut-être vous amener quelque chose là-dessus, sur les luttes, tout ce qui est indigène en Australie, autochtone, etc. Il y a toute une réflexion sur les circulations d'idées entre des champs, on va dire, voilà, militants de la base, je ne sais pas comment on peut les appeler, et le champ académique qui récupère ça. Et du coup, dans la littérature anglo-saxonne, il y a des choses là-dessus. Et peut-être qu'ils ont du coup théorisé pas mal cette idée de circulation des concepts, d'histoire des concepts. Ils doivent avoir leur propre histoire de l'histoire des concepts. Je sais pas. J'ai évoqué quelques noms juste. Mais... Moi je regarde des choses très précises, donc c'est pas en généralisé, c'est pas sur l'histoire des concepts, mais moi c'est surtout sur la réappropriation de concepts ou d'idées produites par des luttes militantes, en gros. Par exemple, voilà, je pense à des livres collectifs ou. Moi je peux même pas vous donner des noms d'auteurs, mais. Ou par exemple, on analyse comment des luttes collectives contre l'implantation des accords libéraux, la NAFTA, tout ça, tous ces accords-là, par exemple, ont ensuite été récupérés dans le champ académique en créant toute une production de savoir. Enfin, c'est un peu flou là dans ce que j'ai regardé, mais je pourrais. J'y reviendrai. Mais tout ça pour dire que ça doit, il doit y avoir ça. Je peux poser une question ? Pas du tout, je te porte. D'accord. Tu as évoqué toute une série de références là pour la sociologie à la Bourdieu hein, qui nous permet de penser les phénomènes de circulation internationale des idées, mais tu as pas parlé de sociologie de la littérature. Alors qu'il me semble, hein, mais bon, et je vois ça aussi un peu de l'intérieur, que les ouvrages comme ceux de Pascal Casanova sont absolument fondateurs. Ils viennent même, Pascal Casanova qui permet à Bourdieu de commencer à engager une réflexion sur les phénomènes de circulation. Et puis ensuite, ça commence vraiment avec la sociologie de la littérature, et puis. Même avant les travaux de Pudal et Hochkorn, qui sont très très contemporains. Oui, c'est là, très récent, ils les ont soutenus. Cette année, l'année dernière. Bon. Mm-hmm. Il y a ce que fait Johanna Popa, qui est ici, et qui est aussi remarquable en termes de circulation des littératures, de circulation des auteurs. Mais tu n'en parles pas. Non, j'en ai pas parlé. C'est pas fondamental, mais... ça ne paraît pas... Non, c'est pas... Non, je ne sais vraiment pas pourquoi j'en ai pas parlé, effectivement. Mais en plus, tu dis, tu fais de la socio de la traduction. Oui, c'est donc, effectivement ce qu'elle fait aussi. C'est un oubli de ma part. Non. Alors que je l'ai. Oui. Je me demandais répond pas. Non, il n'y a pas de véritable raison de vouloir les cacher. J'avais aussi une autre question par rapport à une autre omission qui me semble un peu surprenante, surtout parce qu'il y a deux mots qui appartiennent au vocabulaire de cet auteur qui se trouve dans le titre de votre séminaire, qui est Foucault. Et qui me semble qui est un auteur qui inspire le type de démarche qui a été évoqué tout à l'heure par rapport à la circulation des discours entre les luttes militantes, les usagers et les discours universitaires scientifiques. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que pourrait justifier ou expliquer cette omission. Je vais répondre très simplement. Je vais esquiver la réponse. Non, je crois qu'on a pris généalogie. En gros, dans le titre usage et généalogie, c'était une façon de ne pas mettre histoire des concepts qui est très. C'est comme très connoté, Kozelek. C'est une façon de permettre aux intervenants de choisir chacun leur appartenance ou pas d'ailleurs. On ne va pas discuter le rapport de Foucault aux sciences sociales directement, mais je crois que le problème, en tout cas, des prendre Foucault, c'est que pour la sociologie, pour l'histoire, ça reste très gênant. Disons, il n'y a pas la méthode généalogique de Foucault. On peut difficilement être vraiment approprié et faire un travail de recherche scientifique, si je peux me permettre de dire ça, en Foucault, mais je crois qu'on ne peut pas l'adopter comme une sorte de méthodologie cohérente qui puisse justifier un travail. C'est pour ça qu'on ne le cite pas comme source théorique ou méthodologique. C'est tout simplement ça. Et l'archéologie du savoir. Je pense qu'en termes de méthodologie, il a fait des choses plus scientifiques et plus complètes en termes d'explication méthodologique sur la façon dont on peut étudier le langage, beaucoup plus ample que énormément d'auteurs que soit qu'on a cités ici, soit dans lesquels on peut s'indiquer qu'en fait ils sont un concept. Je pense que si je ne sais pas du tout, peut-être que c'est votre raison, donc c'est un peu absurde que je dise non, ça ne peut pas être la raison, mais parce que ça ne peut pas être la raison. C'est pas possible. Alors c'est une question stratégique, Et je pense que c'est une vraie question là. Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? C'est-à-dire, Foucault, quand même, très important. Pourquoi il ne dit pas grand-chose à des personnes qui s'intéressent à l'histoire des concepts? Et je pense que c'est vrai, ça. Enfin, je suis d'accord que c'est, à mon avis, simplement par manque de scientificité. Non, mais je crois que c'est aussi... Voir autre chose, justement. Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi est-ce qu'il ne dialogue pas avec toutes les personnes dont vous parlez? C'est une vraie question, mais ça peut pas être... Enfin, je pense que prendre ça sur l'angle de la scientificité, c'est problématique. C'est une question... En tout cas, je crois malgré tout aujourd'hui, enfin, c'est, bon, moi je le dis comme ça, mais dans une thèse de sociologie, on peut encore moins facilement qu'en histoire, où c'est déjà difficile, proposer Foucault comme une des sources méthodologiques. Je crois que c'est comme ça, en tout cas aujourd'hui dans le contexte français, c'est comme ça. On peut évoquer Foucault. Après avoir évoqué 5 autres références très carrées d'études, je crois, c'est pas en sciences politiques ou... En sciences politiques... Ou en tout cas, pour citer Foucault, il faut être prêt à défendre... Et y compris chez les personnes de droite, y compris ce que nous on peut voir, je pense à une thèse de qui est sortie en bouquin maintenant, qui me semble pas du tout, qui est très mainstream, qui est haute police, basse politique, ou je sais plus, c'est quoi le nom, une thèse sur l'histoire de la police, qui... s'autorise de Foucault, s'autorise dit fait de la généalogie de l'archéologie. Je dirais même qu'en sciences politiques, c'est devenu un peu basique, un peu tarte à la crème, de dire oui, on va faire l'archéologie. C'est pas du tout quelque chose qui est invalidant. En tout cas, en sciences politiques, je connais pas vraiment. même sujet. Après, ça dépend, c'est peut-être, je parie 800, c'est des secteurs un peu particuliers. Ah, mais alors, c'est peut-être pas un valaisan, mais en tout cas, ça, de toute façon, on l'a pas vraiment discuté entre nous. Personnellement, je crois qu'il faut être prêt, du coup, à connaître son Foucault, de... Non, mais c'est intéressant, Foucault n'est jamais fait l'histoire du système. Jusqu'à l'histoire des... C'est pas un élément linguistique. Il s'intéresse à l'élément discursif. Et la critique historiographique, ça ne s'intéresse pas à... Moi, j'aurais pu commencer par ça dans mon introduction, mais après, ça rentre trop dans la philosophie pour une introduction de séminaire. Après, c'est une autre j'aurais question. J'aurais pu repartir chez Socrate. Une autre question, c'est qu'est-ce qu'on va vraiment étudier? On va étudier des concepts, des discours, des langages politiques, autre chose. Et là aussi, finalement, on reste ouvert. Mais oui, on fera à la fin pour la conclusion du séminaire, on verra ce qu'on a fait de Foucault. Une autre réponse possible, c'est que peut-être la matrice foucauldienne est devenue si tout puissante dans les discours des sciences sociales que Foucault devient une sorte de référence implicite aussi. Le fait qu'on puisse s'emparer de ce type de... Mais bon, ça serait une sorte d'interprétation un peu osée. Fait qu'on puisse parler de généalogie des concepts comme ça, sans expliciter la référence foucauldienne, ça peut aussi rendre compte de cette de l'imprégnation du vocabulaire foucauldien. Mais en tout cas, j'étais étonné de voir que on a évoqué Pocock, on a évoqué Skinner, on a évoqué Kozelek, on a évoqué Michel Espagne, les études de transfert, les circulations et le mot de Foucault. Ça peut être monter la salle. Non, mais ça peut être expliqué aussi par rapport à une question de formation, parce que sont moins légitimes à citer un philosophe, c'est tout bête, mais qu'un historien. Mais... Vous pensez à quoi précisément dans Foucault? Enfin, quoi précisément? Qu'est-ce qui pourrait être. L'archéologie du savoir, par exemple. Sur l'aspect généalogique, sur l'article sur la généalogie chez Nietzsche, qui pose un truc de méthodologie, d'histoire des concepts. À partir de la généalogie de la morale, qui est je pense assez carré, quoi, mais qui est effectivement pas forcément très utilisée, et puis pas utilisée par les personnes qui se revendiqueraient de Skinner, de Pocock, ou de Guillaume, ou tout ça. On pourrait pas citer des textes un peu peut-être trop célèbres, comme l'ordre du discours, mais je pense que c'est tous des textes qui renvoient et qui interpellent les questions qui ont été mentionnées aujourd'hui. Moi, ce que je trouve plus marrant, c'est le fait qu'on... Mais bon, on s'en fout. C'est pas que sur qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on dit pas. Non, c'est sur l'histoire de Rosanvallon, c'est quand même... C'est le seul qui parle vraiment d'histoire, qui utilise les termes pour s'auto-définir, qui utilise le terme d'histoire conceptuelle, et qui est assez absent, pas de vos interventions, parce que c'est pas la question. Mais... Moi, c'était exprès. C'est que voilà, moi, j'ai toujours... Oui, moi, j'ai vu son titre de Rosanvallon qui fait pour le Collège de France... Dans son discours, c'est pour l'histoire conceptuelle de politique. Ils ont cherché ça sur son ballon, je ne sais pas, voilà. C'est un peu ça, mais c'est comme pour Furet, qui d'un coup s'est révélé comme un grand historien des idées, alors qu'il fait. Oui, disons toujours la même chose, hein, de prendre un auteur, parler quelques notions et. Pour son ballon, c'est moins caricatural que Furet, mais ça. Tu trouves quelque chose de proche de ce qui a été dit ici dans le travail de Rosan Vallon? Oui, oui. Pour moi, oui. Pour même pas. La trilogie sur l'histoire conceptuelle française me semble extrêmement proche. Ça me semble extrêmement proche d'une approche. Qui serait peut-être pas celle de Skinner, qui serait plus proche de celle de Pocock, mais qui serait... on peut considérer que c'est moins bien fait, mais Le sac du citoyen, par exemple, me semble être un livre qui scientifiquement est assez correct. En tout cas, mais on s'en fout, c'est pas l'action de donner des bons ou des mauvais points, c'est de se dire qu'il y a quelqu'un qui se revendique de ce courant, qui de fait ne fait pas école au point que bon, on n'en parle pas en fait quand on parle d'histoire des concepts. Je suis assez d'accord pour dire qu'il se revendique du courant, mais je suis aussi d'accord pour dire qu'il ne fait pas ce qu'il revendique. C'est-à-dire, si tu l'évoques, on discute comme ça, hein, y a rien de... Mais si on lit, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire sa leçon d'introduction au Collège de France, il se démarque de l'histoire du langage, il se démarque de l'histoire sociale, se démarque de l'histoire sociale dans sa variante marxiste. Bon, et puis au final, il présente quand même quelque chose de globalement inarticulé, c'est-à-dire, et surtout, il justifie sa perspective en disant pourquoi s'intéresser à l'histoire ? Parce que nous pouvons, à travers l'histoire, répondre aux questions que nous nous posons aujourd'hui. Alors, bon, pour mettre un pied dans l'histoire, à mon avis, c'est un mauvais débat. Et parce qu'il a pour habitude d'utiliser de grandes catégories qui sont éternisées et qui ne sont pas restituées à leur contexte de validité empirique. Par exemple, quand il fait une histoire de la démocratie, la démocratie n'a pas toujours existé comme concept, comme linguistiquement comme concept. Or, autour de la genèse linguistique du concept de démocratie, il y a des enjeux de sémantique, il y a des enjeux sociaux. Donc il faudrait pouvoir en faire l'histoire pour faire l'histoire de la démocratie. Il le fait, il a un article qui s'appelle Une histoire du mot démocratie, où il donne une histoire du mot démocratie. Mais de toute façon, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'assez juste et qui peut-être répond à certaines choses, c'est que même si l'histoire des concepts, sous ses différentes acceptions, c'est pas de l'histoire linguistique, c'est pas que de la lexicographie, ça sort un peu de ça, malgré tout, on demande aux personnes qui font l'histoire des concepts d'avoir une base forte dans l'histoire linguistique et l'histoire des mots, et de maintenir un certain nombre de prescriptions de la science historique, ce que là, pour le coup, on peut dire, ne font ni Rosan Vallon ni Foucault. Hein, de choix de rester de rester au plus près des usages des mots, et d'utiliser au maximum les catégories des acteurs eux-mêmes pour éclairer les choses. C'est peut-être un point commun entre Skinner, Kosselek, Guillaume Moux, et qui exclut, de fait, à la fois Foucault et Rosan Vallon qui n'hésitent pas à utiliser des concepts comme tu disais éternisés pour qualifier les situations du discours. Il faudrait faire un séminaire sur Rosan Vallon. Bah, on s'en fout maintenant, on en fait plus. Tu fais quoi ? Théorie politique. Okay. Enfin, c'est ce qu'il dit, je ne sais pas si c'est ça. On peut en avoir encore quelques minutes si quelqu'un a une dernière question. On peut terminer. Si... On avait prévu un café au Chila. On a du mal à la clé. Le bureau est fermé. Donc pour la prochaine fois. Non, c'est la clé de Delphine. La clé du bureau Delphine est fermée. Il y avait des petits gâteaux. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, la pression du thème. Non. Je peux me permettre d'aller à le bureau séminaire. La question de la représentation. Je suis dedans. Ok, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de chartiers qui interviennent sur le concept de représentation. Sur l'histoire du concept de représentation. Ah oui, je l'ai vu, c'est pas sûr. C'est un séminaire sur le concept de représentation, mais c'est pas encore bien passé. Je te transférerai. On fera tourner. On te plaît. Je sais pas que ça avait déjà tourné. Si, ça a tourné hier. Ça a tourné hier. Ouais. Donc, merci encore. On reste là, de toute façon, pour d'autres questions. Et je pense que... Merci. Oui. Au 14 décembre, c'est ça ? Non, 14 novembre. 14 novembre. C'est Stéphane Dufoy sur la diaspora. Vous, ici, vous avez la science, on avait la science.